moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment les mathématiciens rêvent-ils et à quoi ? Durant tout cet été, la conversation scientifique explore pas à pas les différentes facettes de l'imaginaire, notamment celui des scientifiques. Comment ça pense et à quoi ça rêve un scientifique ? En posant cette question, nous voudrions tonner un corps radiophonique à la thèse de Gaston Bachelard, selon laquelle la raison et l'imagination agissent toujours de conserve. D'abord parce qu'elles ont en commun de mettre l'esprit en branle, de ne pas se satisfaire des évidences premières et de se défier du sens commun. Ensuite, parce qu'elles se conjuguent comme la voile et la dérive d'une embarcation. Chacune d'elles, si on la met en œuvre isolément, ne permet pas d'avancer. Mais actionnées ensemble, elles impriment une progression. Aujourd'hui, c'est dans l'imaginaire des mathématiciens que nous allons pénétrer, grâce à la présence de l'un d'entre eux, fort éminent, j'ai nommé Alain Cohn. Bonjour Alain Cohn. Bonjour, bonjour Étienne. C'est un plaisir de vous recevoir, vous êtes mathématicien, professeur émérite au Collège de France, titulaire de la chaire d'analyse et de géométrie, vous êtes également professeur émérite à l'IHES, vous avez obtenu la médaille Fields en 1982, et je vous invite parce que vous avez publié tout récemment un livre avec que vous avez écrit avec un psychanalyste, ce qui est original, il s'appelle Patrick Gauthier-Lafaille, et ce livre s'intitule « À l'ombre de Grothendieck et de Lacan », avec comme sous-titre « Un topos sur l'inconscient ». Ça fait beaucoup de mots compliqués. Mais avant d'en parler de ce livre, Alain Cohn, vous êtes connu comme étant l'inventeur des géométries qu'on appelle non commutatives. Est-ce que c'est possible à la radio de dire rapidement en quoi cela consiste ? Oui, c'est très simple en fait à expliquer. C'est très simple, mais ça donne quand même la médaille Fields. Non, j'ai pas eu la médaille Fields pour la géométrie non commutative. Je l'ai eu pour des travaux sur les algèbres d'opérateurs. Donc la géométrie non commutative est venue après. Mais en fait, je peux expliquer en quelques mots ce qu'est la géométrie non commutative. Si vous voulez, en fait, ce qui s'est produit, c'est que Descartes a réussi à transformer la géométrie telle que présentée par les Grecs en l'algébrisant, c'est-à-dire en écrivant des coordonnées pour les points du plan, et ensuite en remplaçant des énoncés géométriques par des énoncés algébriques. Il y avait par exemple un énoncé grec qui disait que quand on prend sur une droite deux segments qui sont contigus, eh bien, les Grecs écrivaient que A plus B au carré est égal à A2 plus B2 plus 2AB, mais ils écrivaient en disant que le carré de côté A plus B s'écrit comme un carré de côté A, un carré de côté B, puis deux rectangles de côté AB. Donc, Descartes a fait ça. Avec Descartes, c'est créé un peu, on pourrait dire, ce qu'on appelle la géométrie algébrique, c'est-à-dire la transformation de la géométrie en algèbre. Mais cette géométrie algébrique, pendant des années et des années, s'est focalisée sur des coordonnées qui commutent, c'est-à-dire sur une algèbre très simple. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes familiarisés avec une algèbre qui est beaucoup plus subtile, qui est l'algèbre des lettres dans les mots, et dans lesquelles on ne peut exactement, presque par définition, si on permute les lettres d'un mot, on obtient un autre mot. Un autre mot. Et l'image que je prends toujours, c'est l'image du Scrabble. C'est-à-dire que quand vous donnez les lettres dans le Scrabble, vous allez pouvoir former des mots. Eh bien, ce passage, si vous voulez, du commutatif, qui est le paquet de lettres, au mot qui a un sens, c'est exactement le passage du classique au quantique. Et c'est exactement ce passage-là que fait la géométrie non commutative. Parce qu'en mécanique quantique, ça ne commute pas. AB n'est pas égal à BA, voilà. Quand A et B sont exactement. Des opérateurs. Mais moi, ça me fait penser non pas au Scrabble, oui. Mais aux anagrammes. Bien entendu. Ça alors, est-ce que vous avez cherché à l'icône les anagrammes de votre nom? Pas de mon nom, mais de mon nom avec des choses en plus, oui. Bon. Alain Cohn, ça fait... Vous n'êtes pas alsacien? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes alsacien? Oui. Ça fait salon ancien aussi. Oui, bien sûr. Mais une fois, j'avais un ami qui m'avait envoyé un email comme ça, qui était plein de... Et puis j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, ça n'était que des anagrammes de mon nom. Alors, puisqu'il est question d'imaginaire, Alain Cohn, quand vous travaillez sur un problème de mathématiques, est-ce que vous savez toujours précisément ce sur quoi vous travaillez? Ou est-ce que là, c'est le travail qui permet de définir l'objet du travail? Non, en fait, ce sur quoi je voudrais énormément insister par rapport à l'imaginaire. Bien sûr, après, je reviendrai, j'essaierai de faire un petit peu un historique de comment l'imaginaire intervient en mathématiques, sans parler de moi. Mais en ce qui me concerne, il y a une chose sur laquelle je voudrais énormément insister, c'est qu'en fait, un travail essentiel, au moins en ce qui me concerne, je ne veux pas faire de généralité sur les mathématiciens, mais en ce qui me concerne, un point essentiel, c'est d'arriver à me créer une image mentale. Et la règle que j'ai absolument pour créer une image mentale, c'est de ne jamais essayer d'apprendre quelque chose en mathématiques. C'est-à-dire, pour moi, le mot apprendre est orthogonal. Et en fait, il s'agit, au contraire, il s'agit de se poser une question, de ne pas aller regarder la réponse, surtout pas. Parce que, en fait, lorsqu'on a une question dont on ne connaît pas la réponse, on a quelque chose de merveilleux. Parce que, en se posant cette question, en y réfléchissant, c'est là que va se faire le travail de la création de l'image mentale. Mais cette image mentale, vous la portez en vous, vous après, avez... une fois qu'on a réfléchi pendant 2 jours à une question, qui paraissait facile, et puis finalement, on a l'impression qu'on a un peu l'air idiot pendant un certain temps, etc. Et puis, mais en faisant ce travail, en fait, c'est là que se crée à l'intérieur de nous-mêmes une image mentale. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple simplement parce que, si vous voulez, je me suis aperçu qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent le mot ensemble, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'un ensemble. Alors, et c'est pas parce qu'on va leur donner, donc pour leur faire comprendre ce que c'est qu'un ensemble, c'est pas en leur donnant une définition. C'est-à-dire, on peut retourner à Cantor et on peut leur dire un ensemble, c'est mettre ensemble des notions, des notions bien définies, distinctes les unes des autres, dont on va décider que ce seront des éléments d'un ensemble. Donc, c'est en gros, c'est ça la définition. Et le mot essentiel, c'est ensemble. Mais, c'est pas comme ça que, parce que finalement, si on donne cette définition d'un ensemble, on va pas encore du tout en avoir une image mentale. Pour en acquérir une image mentale, ce qu'il faut faire, c'est se poser une question. Et la question que je recommande par rapport aux ensembles, c'est d'essayer de démontrer par soi-même, sans aller regarder sur Internet ou par ChatGPT ou des choses comme ça, hein. Donc de se poser la question suivante, pourquoi est-ce qu'il y a plus de points sur la droite que d'entiers? Alors, pour être plus précis, ce que je veux dire, c'est pour formuler la question de manière plus précise, pourquoi, si vous essayez d'épeler les points de la droite réelle par des entiers, donc vous pouvez choisir le premier, vous pouvez choisir le deuxième, vous pouvez choisir le troisième, vous avez toute liberté de choix. Eh bien, pourquoi il y aura toujours un point de la droite qui vous dira « mais moi, j'ai pas été pris ». Je suis pas dans la liste. Je suis pas dans la liste, d'accord. Mais ça veut dire que l'infini des points de la droite est plus grand. Ça c'est, que l'infini si vous voulez, c'est le point de départ de Cantor. Et il est presque devenu fou. Ouais, d'accord, mais il a compris qu'il y avait des infinis qui étaient différents, distincts les uns des autres. Et c'est grâce à Cantor que les mathématiques au XXe siècle ont pu être formulées sur une base qui a l'air beaucoup plus solide que ce que c'était avant. Parce qu'avant, comme on n'avait pas, juste, Riemann savait ce que c'était qu'un ensemble dénombrable et puis un continu, mais on n'avait pas encore compris ce que je viens de dire. Donc, je pense que le message vraiment fondamental, là, pour se créer un imaginaire, pour se créer des images de pensée, pour se créer des images mentales, c'est non pas de lire, parce qu'en lisant, ou même en m'écoutant, hein, je veux dire, il faut prendre la question, il faut aller faire un tour à pied, aussi compliqué soit la question, ça n'a pas d'importance. Et puis, il faut y réfléchir. Et en fait, ce qu'il faut arriver à savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on sèche on ne fait de progrès que quand on sèche. Si on ne sèche pas sur la question, elle est trop facile et ça ne va pas nous faire faire des progrès. Donc il ne faut pas du tout s'inquiéter du fait qu'on ne va pas du tout trouver au départ la réponse. Je pourrais vous donner la réponse plus tard pour la question que j'ai posée. Mais alors, maintenant, ce que j'aimerais faire surtout, c'est faire une espèce de petit résumé de, justement, de comment l'imaginaire intervient en mathématiques. Et je vais commencer par quelque chose de très simple. C'est que, finalement, on s'est aperçu que les Babyloniens étaient capables d'écrire des équations, comme des équations du deuxième degré, même des équations du troisième degré. Ça, c'était plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc, c'était il y a très très longtemps. C'est avant les Grecs. Et ça paraît hérétique pour la raison suivante. C'est que justement, quand on regarde la manière dont les Grecs faisaient des... comme le théorème de Pythagore ou des énoncés comme ça, c'était des énoncés qui respectaient ce qu'on appelle les dimensions en physique. C'est-à-dire que le théorème de Pythagore, il écrit que une surface, par exemple, quand on dit le carré d'un nombre, ben le carré d'un nombre, on y pense comme le carré qui a le côté ce nombre. Donc c'est une surface. Et le théorème de Pythagore, il écrit une égalité entre des surfaces. Donc, il n'y a pas d'hérésie là-dedans, puisqu'on ne compare que des objets qui ont la même dimension. Par exemple, des mètres carrés. Et on ne les compare pas avec des longueurs. Alors, je me suis posé la question, comment se fait-il que les Babyloniens et des gens avant se soient posé des questions dans lesquelles il y avait cette hérésie de départ, qui était d'additionner des longueurs avec des surfaces, par exemple, pour obtenir une équation du second degré. Et finalement, j'ai pensé que la réponse, c'est un concept qui nous paraît évident maintenant, parce que nous l'utilisons tout le temps, mais qui sûrement n'a pas du tout été évident à créer, et qui est bizarrement le concept d'argent, c'est-à-dire de la valeur, si vous voulez, de la valeur de quelque chose. Alors, évidemment, on comprend que deux choses puissent avoir la même valeur lorsqu'on fait du troc, mais de là à imaginer que l'on puisse ordonner ces valeurs et qu'on puisse les transformer en des points de la droite, hein, puisque bon, il y a une unité, mais elle est toute petite, c'est un pas fantastique. Et au niveau conceptuel, c'est un pas merveilleux. Alors, en quoi cela expliquerait qu'on puisse se poser des questions comme une équation du second degré? Je vais donner un exemple, d'accord? Alors, supposez que vous soyez un Babylonien, d'accord? Et que vous vouliez acheter un champ, que vous vouliez carré, d'accord? Et que vous disposiez d'une certaine quantité d'argent. Bon, disons petit a. Donc vous avez une certaine quantité d'argent. Et vous savez que ce champ, ensuite, il faudra le travailler au mètre carré, ce qui va vous coûter une certaine quantité au mètre carré, et qu'il va falloir le clore, il va falloir faire une clôture. Cette clôture, elle va vous coûter proportionnellement à la longueur qui enclôt le champ. Eh bien, si vous écrivez que vous cherchez la taille d'un champ optimal, tel que votre argent soit parfaitement utilisé, vous avez une équation du second degré. Donc là, si vous voulez, on voit un exemple typique où on voit le rapport entre les mathématiques et les concepts abstraits. Et vous voulez dire que le premier souci des mathématiciens, c'est l'économie ? Le premier souci des mathématiciens, non. C'est, je pense que si vous voulez, les mathématiques, en gros, de mon point de vue, mais bien sûr c'est un point de vue extrêmement personnel, c'est comment dire, la philosophie la plus pure que l'on puisse imaginer. C'est-à-dire que c'est une approche de la réalité extérieure, de la compréhension du monde, mais qui se veut la plus épurée possible. Et il y a un exemple de ça, c'est un mathématicien qui s'appelle Freudenthal, qui, il y a longtemps, c'était dans les années 50, a créé un langage qu'il a appelé le Linkos, et qui est un langage qui est basé sur les mathématiques, c'est-à-dire il commence par apprendre à compter, etc., etc. Et il essaye de rendre son langage compréhensible à des aliens, c'est-à-dire à des gens qui n'auraient aucun moyen autre de communication avec nous. Donc c'est en ce sens-là que je conçois, si vous voulez, les mathématiques comme étant justement la philosophie partant de zéro, partant non pas d'un langage autoréférentiel comme celui qu'on utilise d'habitude, mais essayant de tout reconstruire à partir de ça, à partir des mathématiques. Mais Alain Comte, vous parlez d'image mentale, et oui. Bien, on vous suit parfaitement, mais oui. Ces images, quel type d'incarnation elles ont? Par exemple, si on prend le cas des ensembles dont vous parliez à l'instant, qu'est-ce que vous voyez, entre guillemets, quand vous transportez avec vous ces images mentales avec lesquelles vous partez courir ou marcher? Et justement, si vous voulez, ce qu'il y a... Alors, je vais vous donner un exemple d'hérésie, mais alors là, vraiment, ce qu'il faut surtout pas faire. Je me souviens que j'ai eu l'occasion de voir, dans les années 70, une copie, plutôt plusieurs copies, c'était un paquet de copies, d'une interrogation qui avait été posée en mathématiques, en cinquième, et qui était une interrogation sur la théorie des ensembles. Alors, on avait essayé justement de rendre concrète la théorie des ensembles pour les enfants, et donc on leur faisait dessiner des ronds sur une feuille de papier. Alors, on disait, donc, la première question, c'était dessiner trois ronds ABC. Donc, avec bien sûr, il y avait des boucles de A et de B, etc. Bon. Alors, première question, alors, donc, ils avaient tous dessiné convenablement des ronds, d'accord, qui étaient censés représenter les ensembles. Et ensuite, la question du problème, elle était formulée sous la forme suivante. Elle était formulée en disant, on suppose que A intersection B est contenu dans C. La question, c'était assurer l'ensemble vide. Assurer l'ensemble vide. D'accord. Donc, en fait, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, si vous voulez, la contradiction flagrante entre une représentation concrète des ensembles et, en fait, l'image mentale que l'on doit en avoir. Parce que l'image mentale de l'ensemble vide, il est vide. Il est vide une bonne fois pour toutes. Et il n'y aura jamais moyen de l'assurer. Et à partir du moment où on lui donne une existence... Ça crée une contradiction absolument terrible dans l'esprit, justement. Mais dans cet échange que vous avez avec Patrick Gauthier-Lafaille, psychanalyste, au détour d'une remarque qu'il fait, vous dites « Pour moi, il n'y a de réalité que mathématique ». Alors j'ai envie d'inverser le problème et de vous demander si, lorsque vous voyez avec vos yeux des choses réelles, est-ce que vous voyez immédiatement des mathématiques? Non, je ne fais pas la traduction, mais je sais que s'il le fallait, la traduction serait possible. Ça, j'en suis certain. C'est-à-dire, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que plus on sait de mathématiques, plus, comment dire, on est surpris par le miracle qui fait que des choses qui, au départ, auraient paru comme n'ayant aucune chance d'être mathématiques, deviennent mathématiques. Bon, eh bien, je ne parle pas de l'astronomie, parce que là, c'est évident. Mais je veux dire, on est très surpris, de plus en plus, justement. Bah, alors, on ne va pas parler du temps, mais c'est un exemple, si vous voulez, de voir que le temps apparaît un petit peu comme ça, de manière tout à fait surprenante. Donc, ce que j'essaierai de faire, surtout, c'est de faire une introduction très, très, très progressive à comment... Parce qu'on parle d'imaginaire. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a en mathématiques des mots. Donc, le langage mathématique, bien sûr, est plein de significations. Mais il y a, dans les mathématiques, le mot imaginaire intervient et le mot idéal intervient aussi. Et alors, je voudrais prendre l'exemple de ces deux mots pour essayer d'expliquer comment ils sont apparus en mathématiques et comment, justement, ils ont fini par être acceptés, alors qu'au départ, si vous voulez, dans le mot imagination, il y a peut-être un côté, pour certains, un côté péjoratif, parce qu'on peut avoir une imagination qui est débridée, qui va dans tous les sens et qui n'a aucun sens, justement. Alors qu'en mathématiques, justement, le sens est quelque chose d'encore plus fondamental que la rigueur. Hein. Donc, je vais commencer par l'exemple justement des nombres imaginaires. Alors, il y a une histoire qui est quand même assez extraordinaire, qui est que là, c'était au XVIe siècle, donc c'était il y a très très très longtemps. Les mathématiciens se sont posés la question de l'équation du troisième degré. Alors, il y a même eu des concours. Hein, il y a eu des concours. Il y avait surtout Tartaglia qui avait trouvé une solution. Il y avait Cardan, etc. Il y a eu des problèmes de priorité, etc. Et en fait, il y avait un cas qui paraissait extrêmement bizarre, mais qui était cependant un cas dans lequel les trois racines de l'équation étaient réelles. Donc on ne pouvait pas dire qu'on se posait le problème des nombres imaginaires parce qu'on voulait inventer une racine à une équation qui n'en avait pas. Les trois racines étaient réelles. Et dans ce cas des trois racines qui étaient réelles, on ne peut résoudre, ça on sait le démontrer en mathématiques, on ne peut résoudre l'équation avec des radicaux qu'en utilisant des radicaux complexes. Et ça a été découvert par Bombelli, un peu après Tartaglia et Cardan. Il avait écrit un livre d'algèbre et il s'est aperçu que on pouvait écrire ces trois racines réelles en utilisant quelque chose d'extrêmement bizarre, qui était un pur produit de son imagination, hein, et qu'il appelait più di meno. Alors, pour lui, le nombre i, qui est la racine carrée de moins 1, il l'appelait più di meno. Et le nombre moins i, il l'appelait meno di meno. Et il avait réussi, par son imagination pure, à créer ce nombre. Il savait le manipuler par des manipulations algébriques. Et il savait qu'en le manipulant, il obtenait les trois racines réelles. Donc ça veut dire qu'il a eu besoin de son imagination pour résoudre un problème de réalité. Et il avait besoin de... Et si vous voulez, c'est sans doute ce cas-là qui a fait que les gens... Parce que s'il avait dit « Bon, ben, j'invente des racines imaginaires et puis je veux les exprimer », les gens lui auraient dit « Mais on n'a pas besoin de ces racines imaginaires puisqu'on ne traite que des problèmes réels. » C'était nécessaire. C'était nécessaire. Et on s'est démontré mathématiquement qu'on ne peut pas écrire les solutions réelles de telle équation du troisième degré sans utiliser des nombres imaginaires. Alain Cohn, c'est une magnifique illustration de la phrase de Gaston Bachelard. Oui, bien sûr. Il faut que l'imagination ait trop pour que la pensée ait assez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a d'autres exemples. Mais est-ce que vous avez une intuition en mathématiques? Vous racontez dans votre livre une anecdote qui s'est passée lorsque vous étiez en classe de sixième, qui laisse penser... Oui. Que vous avez une intuition en mathématiques que n'ont pas tous les autres élèves du même niveau. C'est difficile de parler de mon cas en particulier. C'est un problème de géométrie. Votre professeur vous demande comment est-ce qu'on résout ce problème et vous lui donnez la solution. C'est vrai. Sans savoir pourquoi elle est vraie. Bien sûr. Alors là, en fait, ce que ça suggère, ce que cette expérience m'a suggéré, c'est en fait que, sans doute, c'est au moins mon interprétation, notre inconscient en sait beaucoup plus que nous. C'est ça que ça m'a appris. On peut peut-être rappeler plus précisément l'anecdote. L'anecdote où votre professeur vous pose un problème. Je vais la raconter. Mais donc, si vous voulez, ce qui s'était passé, c'était que, étant en sixième, on avait eu un prof qui, en gros, avait été puni, je ne sais pour quelle raison, il s'appelait Hebdon. Et c'était un prof de maths sup et maths spé, et on lui avait collé une sixième. Mais... manifestement, il n'avait aucune idée du programme de la sixième. Donc vous avez fait le programme de classe préparatoire. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, il se gênait pas pour nous poser des problèmes de géométrie. Et alors, il y avait un problème de géométrie qui était assez saqué, parce qu'il fallait démontrer que 5 points étaient sur un même cercle. Et il m'avait posé la question, il m'avait donné aucun renseignement, et il m'avait regardé. Et je lui ai donné la réponse, mais j'ai passé une demi-heure après lui avoir donné la réponse à comprendre... pourquoi la réponse que je lui avais donnée était correcte. Donc ça a été une expérience très très frappante pour moi. Parce que finalement, ce que je lui avais dit m'avait échappé sans que j'en aie vraiment conscience. Donc ça venait pas de ma réflexion, ça venait d'autre part. De l'inconscient. Ça venait de l'inconscient. Donc, si vous voulez, ça c'est, je peux dire, c'est une des raisons qui m'a fait m'intéresser à l'inconscient. Parce que, d'une certaine manière, j'en ai eu une expérience tangible. Et j'ai eu l'expérience tangible du fait qu'il n'est pas du tout impossible qu'en fait, lorsqu'on nous pose une question, lorsqu'on nous interroge, etc., selon les circonstances psychiques dans lesquelles nous sommes, nous pouvons très bien être refoulés et être incapables de répondre alors que nous connaissons, notre inconscient connaît la réponse. Et qu'une des difficultés donc du mathématicien en général, je ne parle pas de moi en particulier, mais une des difficultés du mathématicien en général, c'est précisément d'arriver à libérer ce passage de son inconscient au conscient qui lui permettra, et si vous voulez, en gros, je dirais que le raisonnement, la raison, etc., c'est beaucoup plus dans le conscient, c'est beaucoup plus dans la vérification, alors que l'imaginaire, l'imagination, etc., ça se situe probablement beaucoup plus du côté de l'inconscient. Alain Cohn, ça nous amène directement à votre livre. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous avez rencontré Patrick Gauthier-Lafaille? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de collaborer avec lui? Alors, si vous voulez, c'est une rencontre. C'est ce qu'on appelle une rencontre. C'est-à-dire, j'étais à Cerisy, dans une rencontre qui était organisée par Étienne Klein, hein, bien sûr, et sur le temps. Et donc, il y avait un côté extrêmement convivial dans l'atmosphère de cette rencontre. Et en particulier, il y avait un des participants qui est venu et qui m'a donné un livre. Et il m'a dit, qu'il me citait dans ce livre, etc. Donc, alors, vous savez, comme toujours, on regarde. Donc, au départ, j'étais très méfiant, bien entendu. Hein. Mais, au bout d'un moment, j'ai regardé dans le livre. Et là, j'ai été tout à fait séduit par la manière dont il introduisait la psychanalyse, dont il expliquait un tas de choses. Et donc, on a commencé à discuter. On a commencé à discuter, en fait, énormément, tous les deux. Et après Cerisy, donc pendant la rencontre de Cerisy, on a énormément discuté ensemble. Et après la rencontre de Cerisy, on a correspondu tous les deux par FaceTime. Et alors, un jour, ce qui s'est produit, c'est qu'il m'a envoyé un diagramme, sans me dire de qui était le diagramme. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Donc, moi, pendant 2 jours, de temps en temps, je regardais ce diagramme. Et au bout de 2 jours, j'ai répondu « Écoute, franchement, ce diagramme, j'y comprends rien. Je vois absolument pas ce que ça peut vouloir dire. » Donc, j'ai envoyé un mail pour lui dire ça au bout de 2 jours. Bon. Et puis, la nuit après lui avoir écrit, parce que très souvent, enfin, assez souvent, ça m'arrive de me réveiller la nuit et de me poser des questions. Et donc, il y avait une question qui se posait à moi qui était, finalement, as-tu fait l'effort d'essayer de te mettre à la place de la personne qui a écrit ce diagramme ? Je me suis posé cette question. Et j'ai essayé de me mettre à la place de cette personne. Et à ce moment-là, j'ai compris que le diagramme avait du sens, mais que pour donner du sens à ce diagramme, il fallait changer la logique, qui est la logique du vrai ou du faux, qu'on appelle la logique du tiers exclu, et il fallait utiliser une logique intuitionniste. Donc, à ce moment-là, j'ai écrit à Patrick et je lui ai dit, oui, finalement, je me suis trompé, le diagramme a du sens, mais pour lui donner du sens, il faut utiliser la logique intuitionniste. À partir de ça, j'ai voulu lui expliquer ce qu'était la logique intuitionniste. D'où ce livre. D'où ce livre, et surtout, j'ai commencé à lui expliquer ce que sont les topos. Je vais y revenir, mais avant, il faut que j'explique quand même quel a été le moment crucial. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé lentement, très lentement, à expliquer à Patrick Gauthier-Lafaille ce qu'est un topos. Et peut-être 2 mois après l'histoire de diagramme, etc., un jour, on a fait un FaceTime. Je lui avais expliqué une métaphore que je vais expliquer sur ce qu'est un topos. Et là, on a eu une illumination tous les deux. Et on a compris qu'il y avait un lien, pas évident, puisque bon, mais il y avait un lien potentiel avec la psychanalyse qui paraissait absolument crever les yeux. Donc je vais expliquer ce qu'est cette métaphore qui permet de comprendre le changement radical de point de vue qui a été introduit par Grothendieck quand Grothendieck a découvert cette notion mathématique qui est une notion très élaborée, mais que je vais essayer de... Est-ce que vous l'avez rencontré, Grothendieck ? Non. J'ai toujours fui Grothendieck quand il était, si vous voulez, sur la scène mathématique, pour la raison que pour moi, il était crucial d'acquérir mon propre territoire mathématique et je ne voulais surtout pas être un disciple. Donc, je me tenais à distance. Donc, je ne l'ai. Par contre, je l'ai rencontré au niveau intellectuel quand j'ai lu Récolte et Semaille. Donc, là, il m'est apparu comme quelqu'un d'admirable. Je veux dire, là, j'ai été très très proche de lui, mais en pensée, pas jamais physiquement. Oui, alors donc, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est d'expliquer, d'introduire cette notion et d'introduire surtout par une métaphore le changement radical que cette idée, que ce concept a permis. Il faut bien comprendre, je répète quand même ce que je disais au départ, c'est que les mathématiques, l'une des vertus les plus fondamentales, à mon avis, des mathématiques, c'est d'arriver à créer des concepts précis, extrêmement précis, mais qui sont des concepts dont, là, de temps en temps, la portée est, va bien au-delà des mathématiques. C'est-à-dire la portée est de nature métaphysique ou philosophique. Et c'est le cas du concept de topos. Donc le concept de topos a été, comment dire, induit par des problèmes mathématiques, par des réflexions purement mathématiques, mais la portée qu'il a est, va bien plus loin que ses applications en mathématiques. Alors, quel est ce changement de paradigme d'abord ? Bien, vous voyez, en fait, les mathématiciens, depuis les Grecs, etc., ont la plupart du temps fait appel au sens de la vision. C'est-à-dire, on vous montre des figures géométriques, on vous montre par exemple le théorème de Morlaix, qui est un magnifique théorème de géométrie, qui vous dit simplement que vous prenez n'importe quel triangle, vous trisectez les trois angles, vous faites se rencontrer les trisecteurs, et vous obtenez au milieu du triangle un triangle équilatère. C'est merveilleux, parce que, bon, il y a une symétrie ça qui n'est de rien. C'est ce qu'on appelle le miracle de Morlaix. Donc les mathématiciens sont habitués à penser en termes de vision, et en particulier, si vous voulez, donc quand les mathématiciens parlent d'un espace, ils sont habitués à le voir, à le regarder. À le regarder. Comme une arène. Comme une arène, comme, bon, on peut dire, il y a diverses manières de le regarder, mais c'est toujours le regarder. Et alors, les mathématiciens, ils pensent, si vous voulez, comme, par exemple, pour un espace topologique, ou un espace mesuré, etc. Ils y pensent toujours comme un ensemble avec une structure supplémentaire. D'accord ? Et alors là, en passant, je dirais que je peux vous signaler comment réfléchir, pourquoi il y a plus de points de la droite que des entiers. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y aura toujours un point de la droite qui va échapper ? Alors, je vais vous donner un petit exercice. Petit exercice, c'est... Donc, vous avez le premier point, le deuxième, le troisième et le quatrième. D'accord ? Pour montrer qu'on ne peut pas épuiser la droite avec ça, vous allez mettre autour du premier point un petit intervalle de longueur 1/2. Autour du deuxième, un petit intervalle de longueur 1/4. Autour du troisième, un petit intervalle de longueur 1/8. Bon, alors si vous réfléchissez, vous allez voir que la somme des longueurs de ces intervalles, c'est au plus 1/2, plus 1/4, plus 1/8, et ça vaut 1. La somme totale. La somme totale. Et donc, vous ne pourrez pas épuiser la droite, puisqu'elle est de longueur infinie. Donc là, vous voyez un exemple où, en utilisant une structure supplémentaire sur la droite, qui est ce qu'on appelle la mesure, vous avez démontré un résultat qui est purement ensembliste. Si je comprends bien, en disant qu'il se passe des choses sur la droite, oui, on peut comprendre ce qu'est la droite. Voilà. Donc déjà, on commence à comprendre ce qu'est la droite. Alors, les mathématiciens, en fait, c'est en particulier René Baire, qui est un mathématicien du début du XXe siècle, ont compris qu'il y avait quelque chose d'encore bien plus fort, qui est qu'on ne peut pas épuiser la droite comme une réunion dénombrable, ça revient à les épuiser comme ça, de ce qu'on appelle les ensembles maigres. Alors, c'est amusant, parce que c'est un vocabulaire de topologie. Et ça, si vous voulez, ça va nous introduire à ce qu'on appelle la topologie. Alors, topologie, ça veut dire qu'on va définir, par exemple, dans la droite, ce que c'est qu'un ensemble fermé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fermé ? C'est un ensemble dont on ne peut pas sortir. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'on ne peut pas en sortir ? Ça veut dire que si je prends un point qui est dehors, il sera à une distance non nulle de l'ensemble en question. C'est tout. Si vous avez compris ce que je viens de dire, vous avez compris ce que c'est que la topologie de la droite. D'accord ? Bon, alors après, on va regarder des espaces topologiques plus compliqués, le tore, etc., etc. Mais on va toujours les regarder. C'est-à-dire que dans chacune des phrases, des concepts que je vous ai donnés, On présuppose le regard. On présuppose que vous avez une image, mais qui est une image, au sens image. Alors, le changement de paradigme qui est fondamental, et qui est parti, si vous voulez, d'un concept qui a été inventé par Leray, par Jean Leray, alors qu'il était dans un camp de prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a créé un concept qu'on appelle le concept de faisceau. Alors, il ne faut pas s'effrayer du nom, mais pour vous expliquer ce qu'est ce concept, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un faisceau d'ensemble sur la droite, c'est-à-dire paramétré par le temps. Et en faisant cela, on aura franchi déjà un pas énorme vers les topos. Donc, question, qu'est-ce que c'est qu'un faisceau d'ensemble sur la droite ? La droite, je la pense comme étant le temps. Eh bien, c'est se donner à chaque instant T un ensemble, E de T. Mais on ne va pas avoir le droit de choisir n'importe quel ensemble de manière quelconque, parce que ça, ce ne serait pas intéressant. Donc, quelle est la propriété, la seule propriété qu'il faut énoncer pour savoir qu'on a un faisceau d'ensemble? C'est une propriété qui répond à la question philosophique de qu'est-ce que c'est que l'instant, qu'est-ce que c'est que le présent, qu'est-ce que c'est que cette propriété? Bien, cette propriété, c'est que si je prends un élément de cet ensemble à l'instant T, il aura existé un petit peu avant et il continuera à exister un petit peu après. Il a une certaine épaisseur. Il a une épaisseur, d'accord. Donc vous voyez, et ça, c'est une notion qui est mathématiquement, on peut la penser comme étant très alambiquée, mais la manière dont je viens de vous la dire, ça la rend tangible, d'accord. Et on comprend, bien sûr, quelle va être l'analogue en général. Alors maintenant, quel est le changement de paradigme introduit par Grothendieck? Le changement de paradigme introduit par Grothendieck est le suivant. Si vous avez un espace et que vous voulez le comprendre, supposons la droite, on ne va pas le regarder. On va le mettre dans les coulisses. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la théorie des ensembles ordinaires avec paramètres. Le paramètre, c'est le temps, il est dans les coulisses. On ne regarde plus l'espace formé par le temps. On regarde des ensembles qui dépendent du temps. Et on fait avec ces ensembles tout ce qu'on fait d'habitude en théorie des ensembles. On peut prendre des réunions, on peut prendre des intersections, on peut prendre des anneaux, on peut prendre des espaces vectoriels, on peut faire tout ça. Et la merveille des merveilles, c'est que on s'aperçoit, en faisant cela, qu'il y aura des toutes petites différences avec ce qui se passerait si on regardait seulement un ensemble. Et en fait, donc, on démontre que la majorité des propriétés de la théorie des ensembles continuent à être vraies, si on prend ces ensembles à paramètres, sauf une propriété, qui est la propriété du tiers exclu. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle logique. Cette logique va être beaucoup plus subtile, beaucoup plus intéressante que la logique ordinaire. C'est pour ça que vous parlez de chemin vers la vérité? Dans cette logique, il va y avoir des chemins vers la vérité, bien entendu. Mais alors maintenant, la découverte fondamentale, c'est que c'est cette manière de faire une nouvelle théorie des ensembles dépendant d'un paramètre. L'espace des paramètres, maintenant, ne va plus être restreint à être un espace topologique, mais on va avoir des espaces de paramètres beaucoup plus généraux, beaucoup plus intéressants, dans lesquels les points vont se parler l'un à l'autre. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'Alain Cohn, c'est l'introduction de ce qu'on pourrait appeler la nuance? Oui, absolument, bien sûr. Alors, un des effets de ça, c'est la nuance, bien sûr. La nuance en mathématiques. Ben, disons que c'est la nuance qui, lorsqu'on travaille dans un topos, ce que l'on peut dire, effectivement, au lieu de travailler dans la théorie des ensembles, Bourbaki a toujours travaillé dans la théorie des ensembles ordinaires. On s'aperçoit de plus en plus, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qu'en fait, la théorie des ensembles est un peu, c'est un peu un carcan, et qu'en fait, il faut justement utiliser ce qu'on appelle la théorie des catégories. Les topos cadrent parfaitement là-dedans, et le point crucial avec Patrick, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, ce changement de paradigme, qui consiste à ne plus regarder l'espace, mais à écouter les changements qui se produisent dans la théorie courante, ici la théorie des ensembles, parce que dans les coulisses, il y a cet espace qui se manifeste par de petites différences dans la réalité, c'est exactement ce que fait le psychanalyste quand il essaye de percer à travers le quotidien, à travers un dialogue dans le réel, ce qui est particulier à l'inconscient du... Alors Alain Cohn, je vais essayer de résumer ce que j'ai compris. Oui. Vous me corrigerez. D'accord. J'ai compris que, oui, d'après ce que vous venez d'expliquer, oui, le mathématicien est capable d'expliquer... Mmh. Plutôt d'imaginer, oui, d'imaginer ce qui est en coulisses, voilà, par une analyse subtile de ce qui se passe sur la scène. Exactement. Donc ce qui se passe sur la scène, on dirait que c'est la conscience. Oui, bien sûr. Et ce qui se passe en coulisses, c'est l'inconscient. Exactement. Alors maintenant, il faut ajouter un autre point très très important, qui est que il faut définir ce que c'est que l'instant. Il faut définir ce que c'est que l'instant, c'est-à-dire comprendre en quel sens, si on est à un instant donné sur la scène, on va avoir affaire à la théorie des ensembles ordinaires avec le tiers exclu. Bien que, dans les coulisses, on ait cette logique beaucoup plus subtile. Alors, ça, c'est une notion mathématique, créée par Grothendieck, et qui est ce qu'on appelle un point d'un topos. C'est-à-dire que si on imagine que chaque individu a son propre topos individuel, d'accord, qui est représenté mathématiquement et qui est très subtil, eh bien, ce topos a quand même des relations avec la théorie des ensembles ordinaires. Il a des relations avec l'ordinaire. Et une relation entre son topos et l'ordinaire, c'est ce qu'on appelle un instant. Pour moi, j'identifie un instant de conscience à un point de ce topos. Et ce qui se produit, c'est que quand on est dans un point d'un topos, à ce moment-là, on n'a plus cette logique bizarre, intuitionniste, etc. On revient à la logique du tiers exclu. Donc, on est, je veux dire, dans, vraiment maintenant dans quelque chose qui est complètement ordinaire. Quand on dit que vous le citez à plusieurs reprises dans l'ouvrage, oui, disait « Mon propos n'est pas de démontrer, mais de découvrir ». Oui. Est-ce que dans ce que vous venez de raconter, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire qui devrait jusqu'à modifier la façon de comprendre le statut même des mathématiques? Parce que les mathématiques, on l'associe à la vérité quand même. Oui. Une proposition mathématique, elle est vraie ou fausse. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors vous expliquez qu'au contraire, on peut fabriquer d'autres concepts qui permettent de remettre en cause cette... D'accord. Alors il y a deux parties de cette question que je veux distinguer. Il y a, si vous voulez, la création des concepts. Alors, création des concepts dont, manifestement, la portée philosophique ou métaphysique peut aller très très loin. Ici, la portée, si vous voulez, c'est justement toutes les nuances qu'il y a entre... si vous voulez, c'est essayer de coincer quelqu'un en disant « mais tu viens de dire quelque chose qui est contradictoire avec ce que tu as dit avant ». Or, typiquement, justement, on peut arriver, si vous voulez, à formaliser dans une logique convenable des choses qui apparaîtraient comme ça. Par exemple, si vous voulez, dans une logique intuitionniste, la double négation n'est pas équivalente à l'affirmation. Or, nous avons l'habitude de choses comme ça, parce que, par exemple, je dirais, il n'est pas impossible que j'arrive à expliquer, etc. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect. Bon. Le deuxième aspect, qui est beaucoup plus incompris, en fait, et qui a à voir avec le théorème de Gödel, qui est très très bien expliqué dans le livre de Girard sur la logique, c'est un autre aspect que les gens en fait méconnaissent, même Bourbaki le méconnaît, si vous voulez. C'est-à-dire que on croit que le théorème de Gödel consiste à dire que dans une axiomatique donnée, il y aura toujours un énoncé qui sera indécidable. C'est pas vrai. En fait, ce que démontre Gödel, c'est bien pire que ça. C'est vrai et indémontrable. C'est vrai et indémontrable. Et en fait, Chaitin... Je me souviens avoir lu une grande discussion entre vous et Alain Lichnerowitz sur cette question il y a très longtemps dans le magazine La Recherche. Bien sûr. Et il vous demandait, mais comment est-ce que quelque chose peut être vrai et indémontrable? Oui, alors là, bon, on donne toujours... Et vous donniez l'exemple du tribunal. Oui, non. La bonne image, c'est celle du tribunal. Il y a un exemple, qui est un exemple tout à fait concret, d'un énoncé dont on peut montrer qu'il est vrai avec ZFC, c'est-à-dire avec les axiomes de la théorie des ensembles, mais dont on ne peut pas démontrer qu'il est vrai dans la théorie de Peano. C'est-à-dire, si on prend seulement les axiomes de Peano, cet énoncé, on ne peut pas démontrer qu'il est vrai. On sait qu'on ne peut pas démontrer qu'il est vrai. Mais il est vrai. Mais il est vrai, et ça on le sait grâce à la théorie des ensembles ZFC. Alors, et comment on peut savoir qu'une chose est vraie? Je pose la même question que Lichnerowitz. Ah oui. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est vrai? Ah oui. Quand la démonstration n'est pas possible. Bon, alors là, on a affaire à des énoncés sur les entiers, d'accord. L'énoncé précis, c'est le suivant, c'est une fable, c'est la fable du lièvre et de la tortue, d'accord. Alors, je vais expliquer ce que fait le lièvre et ce que fait la tortue, d'accord. Bon, alors, donc on part d'un nombre, je ne sais pas, par exemple le nombre 5. On l'écrit en base 2. Donc on écrit aussi les exposants en base 2. Donc on écrit que 5, c'est 2 puissance 2 plus 1. Le lièvre arrive et remplace les 2, c'est la base, par des 3. Donc on obtient 3 puissance 3, c'est-à-dire 27, plus 1. Bon. La tortue arrive, elle soustrait 1. Donc on a 27. Bon. Donc le lièvre, il voit 3 puissance 3, il remplace tous les 3 par des 4. Donc on a 4 puissance 4. La tortue arrive, elle soustrait 1. Mais alors maintenant, il faut réécrire 4 puissance 4 en base 4. Alors ça va faire 3 fois 4 puissance 3, plus 3 fois 4 puissance 2, plus 3 fois 4, plus 3. Le lièvre arrive et remplace tous les 4 par des 5. Ça croît encore énormément. Etc. Alors, maintenant, on peut mettre ça sur l'ordinateur et on peut demander à l'ordinateur d'itérer tout ça. Pour 5, ça va encore. L'ordinateur va arriver, au bout de très longtemps, a démontré que c'est la tortue qui gagne. Alors le fait qui est vrai, mais qui n'est pas démontrable en arithmétique de Peano, c'est que la tortue gagne toujours. Alors comment est-ce qu'on peut savoir que ça n'est pas démontrable et comment est-ce qu'on peut savoir que c'est vrai? C'est ça qui me fascine. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que ça n'est pas démontrable? On peut savoir que ça n'est pas démontrable parce que c'est pas très difficile de voir que le nombre de pas que ça prend pour que la tortue gagne est plus grand que toute fonction que l'on peut expliciter. Or, s'il y avait une démonstration que la tortue gagne dans les axiomes de Peano, on aurait une fonction explicite qui permettrait de donner la borne. Donc, c'est pas possible que ce soit démontrable. Comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? Ah, c'est ça qui est merveilleux. Ça vient de la théorie de Cantor, non pas de la théorie des ensembles, mais de la théorie des nombres ordinaux. Alors, donc, Cantor a créé une théorie qu'on appelle la théorie des nombres ordinaux, qui sont des nombres, c'est-à-dire, c'est pas seulement des ensembles, mais c'est des ensembles qui ont un ordre, et cet ordre de l'ensemble, il a la propriété que tout sous-ensemble a un plus petit élément. D'accord? Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de sous-ensemble décroissant infini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on permet au lièvre de prendre comme base le premier ordinal dénombrable, infini, qu'on appelle petit oméga. Et à ce moment-là, quand il rajoute 1 à la base, il ne fait plus rien. Il ne bouge pas. Or, la tortue, elle bouge. Elle soustrait 1. Et c'est pour ça qu'elle gagne à chaque fois. Et c'est pour ça qu'elle finit par gagner, parce que si elle le faisait indéfiniment, on aurait un sous-ensemble décroissant qui serait infini. Et ça, c'est exclu par les ordinaux. Mais alors, Alain Cohn, vous êtes d'accord avec moi que le seul fait de savoir qu'il existe des énoncés qui sont vrais en étant indémontrables, ça ouvre l'imaginaire d'une façon incroyable. Ah ben bien sûr, mais non seulement ça, mais en fait, je vais rajouter une couche en disant que maintenant on va prendre comme axiome les axiomes de Peano. Et la négation, c'est-à-dire on va dire il existe un entier tel que c'est le lièvre qui gagne. Ces axiomes sont non contradictoires, puisqu'on ne sait pas démontrer dans l'arithmétique de Peano que c'est la tortue qui gagne. Donc on a des axiomes non contradictoires qui n'ont aucune réalisation dans la théorie des ensembles. Ça veut dire que l'idée même de contradiction est dissoute. Ça veut dire qu'on peut avoir une théorie non contradictoire, d'accord, qui n'a pas de réalité. C'est très grave. Et alors, quand vous racontez tout cela à des psychanalystes, est-ce qu'ils trouvent entre ce que vous dites et ce qu'ils font une sorte de pont ou c'est arbitraire? Parce pas du tout. Pour essayer de faire le lien avec ce que rencontrent les psychanalystes. On va prendre cet exemple. Cet exemple est sans doute le plus difficile. Pourquoi? Parce que il faut, au-delà des deux aspects que j'ai commencé à décrire des topos, c'est-à-dire d'abord ce changement de paradigme phénoménal qui consiste à ne plus regarder l'espace mais à l'écouter, de passer de la vue à l'écoute. D'accord? Premier point. Deuxième point, le fait qu'un topos génère sa propre logique qui n'est plus la logique du tiers exclu, qui est une logique intuitionniste, ce qu'on appelle une algèbre de Hiting, mais qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus intéressante. Il y a un troisième point merveilleux chez les topos, c'est que, je le dirais de manière métaphorique, en gros, si vous voulez, chez les topos, on arrive à construire l'imaginaire associé à une symbolique. C'est-à-dire que la symbolique va s'exprimer par des formules du type quel que soit, il existe. Pour vous donner un exemple concret, on va par exemple donner la symbolique de ce qu'on appelle un intervalle. Donc un intervalle, ça va être un ensemble qui a un plus petit élément, qui a un plus grand élément, et dans lequel il y a un ordre. C'est-à-dire que quel que soit x et y, j'ai soit x plus petit que y, ou y plus petit que x, ou égal, bon, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle. On écrit les formules qui définissent ce que je viens de dire, avec des quelque soit, des il existe, etc. Bon. Alors, merveille des merveilles, chez les topos, il y a un topos muni d'un intervalle qui est l'intervalle universel. C'est-à-dire qu'il y a la propriété que quel que soit l'autre topos dans lequel il y aura un intervalle, il proviendra de cet imaginaire universel. C'est une sorte d'invariant ? C'est une sorte surtout d'universalisation. C'est-à-dire, en gros, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une manière de remplacer le symbolique, qui est écrit sous forme de formule, etc., par quelque chose de concret, de réel, qui est un topos, qu'on appelle un topos classifiant. Ça, c'est un théorème qui est dû à Joyal et Reyes, et qui va avoir cette propriété qu'il va incarner de manière universelle une certaine formulation symbolique. Alors évidemment, quand on connaît ça, on se dit, il n'est pas impossible que, par exemple, Lacan, quand il gribouillait des formules avec des « il existe » et « quel que soit », des « s barrés », etc., il ait eu une intuition, non pas, il ne connaissait pas assez de mathématiques, mais il ait eu une intuition d'un symbolique qui était sans doute associé à ce qu'il avait vu en clinique, qu'il n'arrivait pas à formuler, mais probablement, moi je suis prêt à le croire, mais bien sûr il y a un travail de déchiffrage absolument incroyable à faire. Donc en fait, voilà la communication qui se fait avec le psychanalyste, c'est-à-dire que ça pose une question, et ça pose la question suivante, parce que si c'était le cas, que l'on puisse arriver à donner un sens sous la forme de topos classifiant, un sens précis à des mythes, des symboles, des symptômes, pardon. On arriverait à ce moment-là, si vous voulez, à dire que quand un tel symptôme ou etc. se manifeste dans un cas particulier, chez un patient particulier, en fait, il provient justement d'une relation entre son topos, qui est son propre inconscient, avec le topos classifié en question. Donc ça donnerait, si vous voulez, au moins une image mentale de ce que peut être ce qui n'est pas particulier à un individu, mais ce qui est partagé par un certain nombre d'individus par rapport justement à des problèmes de l'inconscient, monde, des problèmes psychanalytiques. Tout le monde aurait un inconscient, mais... Chacun a son inconscient. Mais il est différent de celui des autres. Mais il est en relation justement avec ce genre de topos classifiant. C'est ça notre image mentale. Ça m'amène à vous poser deux questions à la con de la première. Oui. C'est est-ce que, sachant que les... Oui. Le langage des mathématiques n'est pas celui de la psychanalyse. Bien sûr. Oui. Est-ce que dans cette traduction que vous faites, il n'y a pas un risque de malentendu Il y a un risque évident de malentendu. Ou de récupération de récupération, non, parce qu'il faut veiller au grain. Alors, il y a un danger évident, c'est le danger qui est manifeste chez Lacan. C'est-à-dire, si vous voulez, manifestement, Lacan n'était pas mathématicien et ne contrôlait pas vraiment le contenu mathématique qu'il voulait, qu'il essayait de mettre en jeu. Par contre, ce qu'il disait peut être recompris. Et ce qui m'a frappé, c'est que pendant des années, j'ai rigolé avec beaucoup, vous savez, comme Bricmont et Sokal, qui commencent leur livre sur les impostures intellectuelles en parlant de Lacan. Et finalement, je me suis aperçu, en parlant avec Patrick Gauthier-Lafaille, je me suis aperçu que je pouvais parfaitement démonter les critiques que Bricmont et Sokal avaient faites. Bah vous le faites dans le livre. Je le fais dans le livre. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que j'ai franchi ce pas, justement, qui consiste non pas à prendre les choses au pied de la lettre. Vous savez, quand on est mathématicien, on peut avoir cette attitude. C'est-à-dire, on écoute un Laus, etc. On peut prendre les choses tout à fait au pied de la lettre, au lieu d'essayer de comprendre ce que l'orateur, ce que la personne en question a dans la tête, son intuition. Et j'ai fait ce travail. C'est faire preuve de subtilité. C'est faire preuve de subtilité et surtout, si vous voulez, d'éviter l'arrogance. Parce que je pense qu'il y a un élément d'arrogance dans ce genre de discours que j'ai eu, bien sûr, moi-même, hein, je veux dire, mais qui, quand on franchit le pas, justement, qui consiste à essayer d'aller au-delà, eh bien, on s'aperçoit, en fait, qu'on arrive à comprendre ce que, par exemple, Lacan essayait de dire maladroitement, bien sûr, puisqu'il ne maîtrisait pas les mathématiques qu'il utilisait. Alors, ce danger continue, ce danger existe encore, et c'est pour ça que en particulier, si vous voulez, avec Henri Cesmond-Lavaux, etc., on organise un séminaire dans lequel on essaye de jouer le rôle de contrôle. C'est-à-dire, on essaye, si vous voulez, d'avoir une rencontre, d'avoir un espèce de terrain commun. On ne va pas transformer les psychanalystes en mathématiciens, ce serait idiot. On ne va pas transformer les mathématiciens en psychanalystes. Non, ce que l'on veut, c'est essayer de construire un terrain d'entente commun dans lequel chacun d'entre nous va jouer le rôle de contrôle. C'est-à-dire, le mathématicien va contrôler ce que dit ce qu'écrit le psychanalyste va contrôler ce que dit et ce qu'écrit le mathématicien. C'est très difficile, mais ça vaut la peine. Alors je comprends, mais j'ai une question. Oui. À chaque fois que je vous vois, Alain Cohn, oui. Je vois et j'entends, à chaque fois que je discute avec vous, oui. Je vois que vous êtes, et j'entends que vous êtes émerveillé. Oui, d'ailleurs, vous dites souvent, c'est merveilleux, oui, on obtient sûr. Un résultat extraordinaire. Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Et la question que je voudrais vous poser, oui. Sous forme d'expérience de pensée, oui. Est-ce que vous êtes émerveillé parce que vous maîtrisez tous ces concepts dont vous nous parlez, oui. Ou est-ce que c'est une question de tempérament? Ou pour le dire autrement, oui. Si vous n'étiez pas mathématicien, en quoi cela changerait-il votre rapport à la vie, au monde, au réel dans lequel nous sommes? Oui, ah, ça c'est une bonne question. Disons que l'expérience, ma propre expérience, c'est la suivante. Ma propre expérience, c'est qu'il arrive, infiniment rarement bien sûr, hein, que... Au bout de, je sais pas, plusieurs années d'incompréhension de quelque chose. Par exemple, j'ai travaillé pendant 3 ans avec Dirk Kreimer sur la renormalisation. Il arrive qu'après des années, justement, d'incompréhension, on comprenne. Et qu'on comprenne le sens de ce qui se passe. Eh bien, à ce moment-là, sans affectation, je me souviens... Quand j'ai compris que la renormalisation, c'était ce qu'on appelle la décomposition de Birkhoff, d'avoir ressenti un émerveillement, mais un émerveillement qui a duré une semaine. Un vrai shoot qui a duré une semaine entière. Donc, je veux dire, c'est pas de la rigolade. Là, quand je parle d'émerveillement par rapport au topos, etc., c'est un émerveillement qui n'a pas du tout la même ampleur. Il n'empêche que cette fibre, si vous voulez, ce plaisir de la compréhension, je le ressens profondément. Mais est-ce qu'il est précédé par une douleur du travail? Ah ben évidemment. C'est-à-dire, il n'y a jamais ça. Mais non, mais ça c'est la règle absolue. C'est-à-dire qu'en fait, justement, quand je parlais de la renormalisation, le plaisir, le shoot, si vous voulez, est proportionnel à la quantité de frustration, d'incompréhension, de jours et de jours passés à se dire qu'on est idiot, qu'on comprend rien, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Bien entendu. Sinon, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est pas un émerveillement. C'est un émerveillement qui se passe à l'intérieur du cerveau et qui se passe, je pense, parce que les images mentales qu'on a créées laborieusement se mettent en place. Et quand elles se mettent en place, elles crient de joie. Un cri de joie, ben ça sera le mot de la fin, un cri de joie. D'accord. C'est un plaisir de vous recevoir. Avec vous, on comprend que la physique ne donne qu'une très faible idée du présent. Et d'ailleurs, vous l'expliquez dans le livre. Ouais. Le livre que je recommande, vous l'avez écrit avec Patrick Gauthier-Lafaille, il s'intitule « À l'ombre de Grothendieck et de Lacan », avec comme sous-titre un topos sur l'inconscient. L'inconscient est structuré comme un topos. Et non pas comme un langage, comme dirait l'autre. Je vous remercie vraiment, Alain Cohn, d'être venu à la conversation scientifique. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Hugo Renard et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Thank you.